Écoutez. Je voudrais un survêtement pour mon mari. Quel tarif est-il? Je ne sais pas exactement. Combien mesure-t-il? 1,80 m. Et il pèse? 75 kilos. Alors une taille 5 devrait bien lui aller. Il est plus fort que moi?